que lui appelle l'enfance inadaptée. Ah ben oui. Plutôt que l'enfant nouveau avec lequel la majorité des parents fait... je vais faire une petite nuance, justement. L'enfant inadapté, ça va de soi. Il n'est pas adapté et il n'est à peu près pas adaptable. Bien souvent, spirituellement, l'idée de l'enfant nouveau, c'est l'idée de l'enfant qui est docile, qui est doux, qui est aimable, qui aime, qui ne se chicane pas, qui fait nos commissions, qui est propre, qui tient sa chambre propre, qui a des bonnes notes à l'école. Mais le règne de l'esclave parfait achève. Et étant donné que cet enfant-là, cette race d'enfant-là a une tendance à plus naître, quand on parle d'enfant nouveau, nécessairement on parle d'enfant inadapté. Mais il y a deux choses. Il y a le mésadapté psycho-affectif et il y a le mésadapté social. Il y a des nuances. Oh, on peut mélanger tout le monde dans le même jeu, ça peut aller. Et nécessairement, celui qui est mésadapté psycho-affectif sera nécessairement mésadapté social dans la majorité des cas. Mais il y a une nuance entre celui qui a des problèmes d'affection, des problèmes psychologiques, de celui qui a simplement un problème d'inadaptabilité à l'illogisme. Alors, lorsque tu as un adulte qui dit à un enfant, « Faut pas fumer, c'est pas bon pour les enfants. » Bien, si cet enfant-là te donne un coup de pied sur le tibia, c'est un mésadapté social. Non, c'est un intelligent. C'est toi le mésadapté. Mésadapté du point de vue de l'intelligence. Alors, il y a une grande, grande, grande nuance. Exactement comme le juif entouré de chrétiens, puis qui veut continuer à avoir son chandelier à sa branche, puis continuer à avoir son chapeau sur la tête. Bien, les chrétiens vont dire « c'est un fou » s'ils ne savent pas que les juifs, ça existe. Les chrétiens vont dire « bien, c'est un mésadapté total ». Les chrétiens vont tout faire pour le ramener dans le droit chemin. Si lui, il ne veut rien savoir puis il se suicide, bien, ils vont dire « il était arriéré, il y avait un problème, il y avait… » Mais en réalité, c'est un être humain tout à fait normal, mais qui était différent de ceux avec lesquels il vivait. L'enfant nouveau est un inadapté et il est à peu près inadaptable. L'enfant ancien qui vient au monde est de toute façon inadapté. La preuve, il faut l'éduquer. Donc, il est inadapté. Mais il est adaptable. Alors, l'enfant ancien, il n'est pas poli, on lui montre être poli. C'est-à-dire qu'on le rend plus beau qu'il est, on le polie, on le frotte à coup de ta poche. Bon. Et on lui montre à manger avec des ustensiles de métal, on lui montre à ne pas péter à table, on lui montre à rentrer à telle heure, on lui montre à ne pas se salir, on lui montre à ne pas parler mal, c'est-à-dire ce que les adultes trouvent que ce qui fait souffrir les adultes, c'est mal. Alors, l'enfant ne doit pas le dire, même si les adultes se le disent entre eux, ils le disent aux enfants, mais l'enfant n'a pas le droit. Alors, l'enfant est adaptable, mais n'importe quel enfant qui vient au monde est tout à fait inadapté social. Mais il est adaptable socialement, donc il sera régi par ce que j'appelle l'éducation d'adaptation. On va être capable de le transformer pour l'adapter, pour qu'il rentre dans la société. Même la psychologie, qu'est-ce qu'elle fait? Une personne qui a de la misère à vivre dans la société, elle est trop stressée, elle est paranoïaque, elle a peur des ascenseurs, elle a peur du métro, elle prend jamais le métropolitain. Marc n'est pas assez fort, je comprends, mais elle ne monte même pas dessus que son char. Bon, la personne, elle va voir le psychologue. C'est quoi le rôle du psychologue? C'est de t'approcher un peu autour, tout partout au niveau psychologique, l'hypnotiser, lui faire croire que dans son enfance, ben, il y a eu son jouet, son petit pont élevé tombé, à peu de métropolitain pour ça. Bon, on trouve plein de raisons intéressantes et ça permet à la psychologie de l'individu de supporter son handicap. Tu sais que la majorité des personnes qui font des régressions dans le temps, jusque dans l'étape fœtale, il y en a qui vont même des vies antérieures, mais arrêtons-nous juste à l'étape fœtale. Tout ce qu'ils vont visualiser sous hypnose qu'ils ont fait lorsqu'ils étaient jeunes, la grande majorité de cela est faux. Mais ça permet à la personne d'avoir une raison psychologique qui va lui permettre de supporter son handicap. Ceux qui visualisent étant conscients, pas sous hypnose? Ceux qui visualisent étant conscients, disons que le rebirth avec des choses comme ça, ça peut être intéressant, puis encore là, il y a une grande partie de ce qu'ils vont compter qui est coloré parce qu'ils veulent vivre. Donc, il faut. Alors, inadapté, oui, c'est évident. Il n'y a pas un être humain qui vient sur la planète qui est adapté. Le chien et le loup, quand il vient au monde, il est adapté. L'éléphant est adapté. L'homme n'est pas adapté, là. Là, l'homme, il doit rentrer dans un cadre qui n'est pas naturel, un cadre social. Alors, l'homme doit s'adapter. Non, évidemment qu'il y a de l'air à dur à adapter ici. Un enfant, un garçon de 3 ans et demi, qui se fait refuser quelque chose par sa tante, réagit en allant dans la cuisine demander un couteau à sa mère. Est-il manipulé par des entités ou est-ce un acte d'enfant nouveau? Et comment réagir à cela? La personne qui m'a donné cette question-là, Daniel, m'a déjà parlé de cet enfant-là. Et puis, lorsqu'elle dit ici 3 ans et demi, ça fait déjà quelques mois qu'il réagit de cette façon-là. Il a même été chercher une carabine, qui n'est pas marquée ici, là, mais dans le garde-robe, la carabine de chasse de son père, pour tirer sa petite sœur lorsqu'elle est née. Dans ce cas-là, évidemment, les chemises anti-balles ainsi que le karaté est approprié. Se défendre contre son enfant. Bon, il y a deux choses qui sont importantes. Pédagogiquement, ça peut être un enfant nouveau. C'est un symptôme d'enfant nouveau. Mais aussi, alors pédagogiquement, les pédagogues, plusieurs ne suivent pas, mais peut aussi carrément être possédé par des entités réincarnatives qui sont des entités de meurtriers. Alors, l'enfant a peut-être une prépuberté qui est déjà commencée. Il faudrait vérifier du point de vue hormonal si l'enfant ne vit pas déjà des phases de puberté. Donc, s'il ne peut pas permettre la réincarnation d'adulte à l'intérieur de lui. Alors, encore une fois, un enfant comme ça, la question, elle est posée là. Si je ne vois pas l'enfant, je peux difficilement réellement aligner le parent. Alors, il peut y avoir donc une réincarnation pluralitaire à l'intérieur de l'enfant qui est à caractère d'adulte, parce que les mémoires d'enfants ne font pas ça. Donc, qui est à caractère d'adulte à travers le corps de l'enfant. Et l'enfant peut être aussi un enfant nouveau qui reçoit ces idées-là, donc ces phénomènes réincarnatifs-là du point de vue adulte, et ça lui donne des idées qu'il considère comme étant convenablement logiques. Pour un enfant nouveau, mourir, ce n'est pas grave. C'est pourquoi il peut aller vers un suicide logique. Et pour un enfant nouveau, tuer, ce n'est pas grave non plus. Est-ce que c'est parce qu'il est fort physiquement ou bien parce qu'il est influencé par la télévision, par exemple? Non, la télévision, elle n'a pas le facteur d'influencer que celui qui n'est pas influençable. Donc, en partant, il faut que tu aies déjà les germes à l'intérieur de toi. La télévision, c'est comme de l'eau. Ça arrose les graines qui sont à l'intérieur de toi, mais ça ne les met pas. Alors, ça, il n'y a rien à faire. La télévision ne prend pas un enfant qui est calme pour en faire un agressif. Par contre, l'enfant qui est agressif, la télévision va l'arroser. Donc, il va avoir des idées. Mais la télévision, elle arrose. Elle ne plante pas de graines. C'est pas si dangereux que ça, la télévision. On met ça sur le dos de la télévision. Là. C'est très intéressant, mais non. Alors, un garçon de 3 ans et demi qui se fait refuser quelque chose par sa tante réagit en allant dans la cuisine et demandait un couteau à sa mère. Bon, sa mère, il t'a donné? Bon. Non, mais dans d'autres occasions, il était en chercher un lui-même, puis il est arrivé, puis... Oui, pour la simple raison... Mais à ce moment-là, il faut qu'il y ait un corps physique très puissant pour supporter les énergies qui habitent ce corps. Le système endocrinien est très puissant. Et c'est pourquoi je parle de mutation. Et donc, effectivement, à 3 ans et demi, je dis qu'il y a des symptômes d'enfant nouveau, il peut nécessairement recevoir des personnalités réincarnatives qui ne sont pas convenables. Certaines formes de médicaments peuvent exorciser cela. Parce que le médicament entraîne une harmonique vibratoire dans l'énergie vitale du corps de l'enfant qui peut arriver à altérer le périsprit, l'enveloppe de l'âme, et qui peut finalement arriver à altérer ce qui semble se réincarner, manipuler. Évidemment, un psychologue peut aussi, en discutant avec l'enfant, arriver à régler ça. On appelle cela un exorcisme. C'est un exorcisme doux, mais quand même un exorcisme. Et nécessairement, si l'enfant n'est pas manipulé à ce point-là, c'est juste qu'il sait très bien la puissance de la manipulation. Il sait que les autres ont peur de la mort. Il sait qu'il peut manipuler le monde autour de lui avec cela, et il s'en sert possiblement aussi. Alors, il faudrait simplement voir, premièrement, qui est la tante, qui est les parents. Eh oui, parce qu'il y a des tantes qui sont tueurs, remarquez bien. Alors, il faudrait connaître quand même les personnes. Avant de trouver qu'il y a un problème pathologique, il faudrait regarder l'entourage aussi. Bon. Mais ce que je veux dire, c'est que la tante, elle se laisse peut-être extrêmement... Tu sais, on a des contextes familiales où les parents adorent triper là-dedans. Alors, l'enfant en profite pour les manipuler. Alors, faut voir plusieurs datas. Dans le cas présent, tel que je t'ai mentionné tantôt, je connais la personne qui m'a déjà raconté d'autres péripéties de cet enfant-là. Et puis, dans le cas présent, c'est la tante. Dans un autre tantôt, comme je t'ai dit, il était chercher la carabine pour tirer sur sa petite sœur. Il venait de naître. C'est ça qui a à peine quelques mois. Il était jaloux. Oui. C'est logique. Et puis, c'est envers tout le monde, excepté peut-être son père. C'est pourquoi il y a de très, très grands symptômes d'enfant nouveau. Quand je dis, moi, que l'enfant nouveau qui est mal canalisé peut devenir un danger public numéro un, une puissance, disons, du mal, pour passer le mot, une puissance inécologique assez forte, c'est vrai. Mais est-ce que ça peut être temporaire seulement? Faudrait que la famille soit relativement nouvelle, parce que ça risquerait plutôt d'avoir une tendance à vouloir s'amplifier. Alors, il y a possibilité de rediriger. Ça, c'est évident, ça. L'enfant canalise son expressivité dans certaines choses. Alors, s'il voit de l'illogisme, s'il sait qu'il peut manipuler, s'il veut carrément régler les problèmes, parce que même à 3 ans, 3 ans et demi, tout à l'heure, j'ai dit que l'enfant peut faire une maturation d'identité au niveau de l'enfant nouveau entre 3 ans et 6 ans, et 3 ans et 9 ans, disons, mais entre 3 ans et 6 ans pour la majorité. Donc, à 3 ans, 3 ans et demi, il est un adolescent de 14-15 ans du point de vue de son identification psychologique. Le corps physique, oublions-le. Nécessairement, s'il n'a pas le système endocrinien suffisamment puissant, il ne pourra pas supporter la condition de maturité psychologique. Mais normalement, si c'est un enfant nouveau, il aura une mutation génétique du système endocrinien, donc des forces thalamiennes et hypothalamiennes, et nécessairement, il pourra supporter cette psychologie. Pouvant la supporter dans le corps d'un enfant de 3 ans, donc il a un corps qui peut manipuler, parce qu'un enfant de 3, 4, 5, 6 ans, c'est cute, c'est beau. Et quand c'est habité par un adulte, très dangereux. L'adulte, au moins, il est plus laid. On lui fait moins confiance. L'enfant, il peut nous acheter émotivement par l'ombre de forme qu'il dégage. Si en plus, c'est un adulte qui est caché dedans, très dangereux. Alors, faut nécessairement, encore une fois, c'est que tant que je ne connais pas l'enfant, c'est compliqué de le paramétrer, mais il y a de très forts symptômes d'enfant nouveau. L'enfant nouveau est-il un être ésotériquement avancé, réincarné dans un jeune corps physique? Ça va de soi que l'enfant nouveau est ésotériquement plusieurs êtres avancés, réincarnés dans le corps, dans un jeune corps physique. C'est le corps physique qui choisit ce qui se réincarne. C'est jamais l'humain ou l'entité ou l'âme ou quoi que ce soit qui choisit le corps physique. On aurait tous un corps différent, n'est-ce pas? Bon, on ne le maquillerait pas, on aurait pris un corps qui est déjà maquillé. Alors, l'âme ne choisit donc pas le corps. Ben, ce qui va arriver, c'est qu'étant donné qu'il y a des mutations génétiques, lorsque l'enfant vient au monde et tout le long de la gestation fœtale de l'enfant, nécessairement il attire des réincarnations, et un corps physique qui peut permettre l'expression de l'intelligence attire des personnalités réincarnatives intelligentes. Alors, plus l'enfant nouveau est puissant, plus ce qui se réincarne dedans est puissant. Et nécessairement, c'est pourquoi il peut y avoir des dommages sociaux, parentaux, scolaires ou même sur l'enfant, graves, même en très bas âge. Mais un enfant de 3 ans, 4 ans qui refuse totalement l'autorité des parents, c'est normalement très symptomatique de l'enfant nouveau. Vous aviez dit tantôt que c'est la société qui doit s'adapter aux enfants et non le contraire. Pensez-vous que c'est logique? Il me semble qu'un enfant nouveau, avec l'intelligence qu'il possède, devrait plutôt comprendre le sens du mot « adaptation ». Ce que vous avancez mène plutôt à l'anarchie totale. Bon, exactement comme si, voyez-vous, le gros problème, c'est évident que, comme tout à l'heure j'expliquais, l'enfant nouveau qui va changer la société, de toute façon, je préfère dire « adaptons-nous » parce que de toute manière, ils vont nous taper dedans. Alors, j'aime autant être du côté des vainqueurs, je suis lâche, bon, c'est comme ça. Alors, j'aime autant qu'on s'adapte, surtout que moi-même, je suis suffisamment nouveau, remarquez que je tire aussi mon épingle. Mais ce qu'il faut comprendre, anarchie totale, non. L'homme ancien a besoin d'une hiérarchie. L'homme ancien a besoin d'une loi. L'homme ancien a besoin de tout un cadre qui supplée à son manque d'intelligence. Il a de l'intellectuance. Il a une faculté de légiférer certaines choses. Mais il n'est pas intelligent en ce sens qu'il sait ce qu'il ne doit pas faire, mais il ne fait pareil. Bon, il l'oublie, il ne veut pas y penser. Oh, plus tard, il n'est pas conséquentiel. L'homme ancien n'est absolument pas conséquentiel. Il espère que ça ne créera pas de problème. Alors, il est 3 ans et demi, il veut tout le monde, mais oh, ça va pas, c'est sûr. Ouais, c'est l'homme ancien total. Tu dis que c'est l'homme ancien, mais tantôt, tu as dit que c'était possiblement un enfant nouveau dans 3 ans et demi qui fait ça. Oui, l'enfant nouveau est comme ça. Mais si je te dis, moi, que l'homme ancien, normalement, les personnes anciennes, ils vont espérer que ça va passer. Ils vont espérer que ça ne causera pas de dégâts. Ils vont espérer qu'il ne se droguera pas. Ils vont espérer qu'il va bien aller à l'école. Ils vont espérer que ça ne polluera pas. Ils vont espérer que le feu ne prendra pas, qu'on n'achète pas de détecteurs de fumée. Bon. Ils vont espérer qu'ils ne seront pas volés le char, qu'ils ne s'assurent pas. Bon, ils espèrent. Ouais, mais si tu laisses un enfant lousse comme ça de 3 ans et demi... Ah non, tu ne laisses jamais un enfant lousse de même de 3 ans et demi. Ah, tu l'attaches avec une chaîne. Alors, ce que c'est que tu viens de mentionner tantôt, toi, tu ne t'adaptes pas à cet enfant-là. Faut faire attention. Moi, je m'adapte pas à cet enfant-là. Non, mais je vais m'arranger pour qu'il s'adapte à lui. Et je vais m'arranger pour qu'il comprenne l'absurdité, pour qu'il sache que les choses stupides qu'il voit à 99% sont stupides. Parce que ça sert à rien de dire à un enfant, l'enfant renverse son verre d'eau, toi tu chicanes. 30 secondes après, toi tu renverses ton verre d'eau, ah ben là, on nettoie tout, là, puis on en rit. L'enfant qui vient me voir et qui me dit « Sais-tu qu'il y a une injustice? » Je n'irai pas dire non. Je suis désolé, mais je n'irai pas dire non, il a raison. Je ne m'en ferai pas un ennemi. Et à 4 ans, à 5 ans, s'il vient me dire ça, je ne m'en ferai pas un ennemi certain. Alors, je vais dire « Oui, effectivement, c'est injuste. » Ah, ben là, on devrait le dire au mec. Eh bien oui, dis-le toi, m'a t'appuyer. S'il dit, puis l'autre, il gueule, l'adulte qui gueule, qui n'essaie pas de me ramasser avec lui. Parce que là, il va perdre la face parce qu'il m'a être absolument contre lui. Parce que l'enfant a raison. C'est ça qui est la nuance. On parle d'anarchie. Bon, alors, est-ce qu'on doit adapter les enfants à la société? Non. Je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, parce que moi, je ne m'adapte pas à la société. Alors, en partant, adaptez-moi pas à elle. Il y a un psychologue qui m'a déjà dit, lorsque j'étais jeune, que ça se soignait, ce que j'avais. J'avais 17 ans, j'étais dans une exposition, un salon, et puis je voulais aller sur une île déserte bâtir un village, une société. Essayer d'expérimenter des solutions sociales. Ça se guérissait, ce que j'avais, qu'il disait. Il voulait que je le rencontre, c'était gratuit. Il est quand même un bon gars. Le problème, c'est que je vis dans une société où il y a la guerre. Exemple. Moi, je viens au monde et je ne veux pas me battre. Et là, les gens qui font la guerre vont me dire, « Oui, mais voyons donc, M. Kim, ça n'a pas de sens. Adaptez-vous. Sinon, ça va être l'anarchie si tout le monde décide de ne pas faire la guerre. » C'est vrai que ça va être l'anarchie. Il n'y a plus un général qui pourra commander les humains. Mais il va y avoir la paix, par exemple. Notre société, il va y avoir une hiérarchie, il faudra faire attention. Souvent, je donne des exemples. Moi, à 3 heures du matin, quand j'arrête sur un feu rouge, j'arrête. Je regarde, il n'y a pas de trafic, je passe. Là, on me dit, ben voyons donc, tout le monde se met à faire ça. Puis, c'est ce qu'on fait sur les arrêts stop. Il n'y a pas plus d'accidents. Mais là, les gens, ils comprennent. Voyons donc, tu passes à la lumière rouge, tout le monde passe, bang. Non, j'ai dit, j'arrête, je regarde. Ah, ça, on ne l'entend pas. Tu passes à la rouge, égale accident. Ils ont jamais, la majorité des humains n'ont pas appris à quoi ça servait un feu rouge. Ça ne sert pas à respecter la loi. Ça sert à laisser passer ceux qui passent sur le vert. Remarque qu'on aurait pu arrêter sur le vert, passer sur le rouge. Mais aujourd'hui, si du jour au lendemain, on met ça en application, les humains égoïquement vont être tellement bloqués. Mais non, tu ne passes pas sur le rouge, ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas arrêter sur le vert. Ils ne pourront pas s'adapter. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris l'intelligence des feux de circulation. Ils ont appris par culpabilité, par les contraventions, par les réprimandes, par etc. Lorsque l'on parle de refaire la société, dans notre société, il y a des viols, de la drogue, de la boisson, des meurtres, il y a de l'avortement, il y a des femmes qui ne veulent pas d'enfants qui en ont, ils veulent des femmes qui en veulent qui n'en ont pas, on a de la pollution tant qu'on en veut, on est encore assez brillant pour se tuer en conduisant un automobile, on est capable de faire des détournements d'avion, on a peur d'apocalypse à tout bout de champ, de bombes nucléaires, on dit qu'il va y avoir un hiver nucléaire qui va tout nous tuer. On n'est pas sûr. Là, on se demande si les Russes y croient, parce que la guerre, le système de, non, de peur mutuelle, ça marche à condition que tout le monde ait peur de la même affaire. Là, présentement, les Américains pensent que les Russes sont convaincus qu'ils arriveraient à survivre à une guerre nucléaire. Bien, s'ils sont convaincus qu'ils peuvent survivre, ils vont en faire une. Les Américains sont convaincus qu'ils ne peuvent pas survivre. Les autres, si ça ne marche pas, ils n'en feront pas. Les Américains veulent recommencer à établir leur protection civile de façon à se reconvaincre qu'ils peuvent survivre aussi après une guerre pour essayer de contrebalancer les Russes de bord. On a un monde génial. Et puis là, on vient me dire, si l'enfant nouveau ne rentre pas là-dedans, il va avoir l'anarchie. C'est intéressant. Intéressant. On invente un moteur qui marche à l'eau de mer. Le gars, il se fait tuer, puis il pique ses bebelles, les compagnies de pétrole. C'est pas d'anarchie, ça. Le gars, il n'a pas rentré dans l'eau. Bon, correct. On invente des systèmes, il y a un paquet de médicaments qui règlent des problèmes. De toute façon, tu es le premier à m'avoir déjà dit, à un moment donné, que toutes les solutions sociales existaient. Daniel, lance-toi pas en politique de te faire tuer. Les solutions, ils ont toutes, ils ne veulent pas. Et là, après ça, on parle d'anarchie si l'humain intelligent commence à changer les choses. Non. Le système scolaire et scolaire est tout à fait débile, c'est le cas de le dire. Je le sais par expérience, hein? J'ai passé mon temps à le contourner. Il est tellement mal fait que tu peux le contourner si tu es le moindrement brillant sans jamais te faire pincer. C'est pas génial, mais... Les professeurs sont écœurés d'enseigner. Les étudiants ne savent pas pourquoi ils vont apprendre. On a un monde qui n'est vraiment pas très, très beau. Il est parfait. Il y a tout ce qu'il faut pour qu'on le change. Maintenant, servons-nous-en. Anarchie, tant mieux. Tant mieux. Moi, je n'ai rien contre moi, de l'anarchie qui empêche les problèmes. Quelle est la raison ésotérique de tout ce mélange-là? Cette merde-là. Bon, juste une petite chose sur notre anarchie. Un enfant nouveau qui est capable de s'exprimer puis qui est libre n'est jamais un danger. Un homme nouveau qui est capable de s'exprimer ou une femme nouvelle qui est libre n'est jamais un danger. Pourquoi? Parce qu'elle s'ajuste. Pourquoi? Parce qu'elle est écologique. Pourquoi? Parce qu'elle est intelligente. C'est là qu'est la nuance. Mais bien souvent, l'humain, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la psychologie de l'homme ancien puis il projette dans un cadre d'homme nouveau. Ouais, mais là, si l'enfant nouveau fait plus ça, qu'est-ce qu'il fait? Non. Si c'est des hommes anciens qui font plus ça, c'est la guerre totale. T'élimines la police. Les policiers ont fait une grève à un moment donné. Les honnêtes citoyens ont cassé les vitrines pour aller se payer du luxe. Bon, le Canadien gagne la Coupe Stanley. Il prend un morceau de caoutchouc, il fout ça dans un filet à travers un gars qui veut l'empêcher de passer. Raison pour casser toute la rue Sainte-Catherine. C'est l'homme ancien qui fait ça. C'est pas l'homme nouveau. Par contre, l'enfant nouveau là-dedans qui est encore collectif et qui veut en profiter pour se défouler, pour se prouver qu'il peut le faire, il va casser les choses. Mais on ne lui a jamais permis de s'exprimer. T'en connais, puis j'en connais, moi, des enfants nouveaux qui sont des adolescents nouveaux, puis qui sont des maudits bons bonhommes, mais ils ont la possibilité d'éclater, de s'exprimer, de créer. Alors, il y a une nuance majeure. Quand on prend l'homme ancien pour le placer dans un cadre d'homme nouveau, c'est bien évident que ça ne va pas. Moi, j'arrive sur un feu rouge, il y a un gars qui est là ou qui est à côté de moi, bien, je ne pense pas, je ne donne pas le mauvais exemple. D'un coup, c'est un homme ancien. À un moment donné, lui va dire, crime, on peut passer, c'est vrai, il va passer sans faire le stop. Puis là, si c'est moi qui m'en viens là de bord, ça n'a pas d'allure. Fait que je suis en masse intelligent. S'il y a un gars à côté de moi, j'attends que le feu passe au vert. Si le gars passe, je reste là aussi. Je le suis même pas. L'homme nouveau, il n'y a pas de problème. Alors, ta question, c'était quoi? Je voulais juste revenir sur le phénomène, là. À laquelle tu faisais référence? Que tu fais référence? Celle qui est le seul qui est de ton papier. Est-ce qu'un individu qui transpire sans arrêt et qui a un corps physique en santé est en combat avec un autre de ses corps? Merci. Non. Par contre, la personne qui transpire sans arrêt, elle a un problème nécessairement d'hyperthermie, possiblement. Et il y a une expression émotive endocrinienne qui s'exprime à l'intérieur de son corps. Il y a des possibilités que son ego soit suffisamment stable, avec une partie de l'ego qui est instable et qui, par le système endocrinien, s'exprime continuellement, ce qui entraîne une hypersudation chez l'individu. Nécessairement, il faudrait voir avec s'il n'y a pas de problème pathologique, mais tous les problèmes pathologiques sont de toute manière entraînés par des expressions trop proliférantes de l'ego. Alors, il y a donc une partie de l'humain qui exprime dans le système endocrinien quelque chose. Comme une personne peut être en parfaite santé puis être asthmatique. C'est par là que ça s'exprime. Un autre pourra transpirer, mais une personne normale devra avoir des problèmes de digestion, devra lentement devenir cardiaque, devra avoir des maux de tête un petit peu de temps en temps, devra être excitée, mal dormir. Une personne normale devrait vivre ça. Tandis qu'elle, elle exprime possiblement une grande partie des systèmes émotifs par un canal plus particulier, plus spécialisé, qui sera la sudation. Tu as déjà dit que la plupart des gens déprimés étaient en contact avec l'ajusteur de pensée, mais qu'ils ne l'acceptaient pas. Comment l'accepter sans souffrir? J'ai surtout dit que la personne qui arrivait à être écœurée d'être écœurée entre en contact avec son ajusteur de pensée et que l'une des grandes conditions pour entrer en contact avec un ajusteur de pensée était bien souvent la souffrance ou l'hypersouffrance, c'est-à-dire l'écœurement d'être écœurée. La personne dépressive n'a pas nécessairement un ajusteur de pensée. La personne dépressive qui est dépressive par illogisme, c'est ce qui va porter normalement l'enfant nouveau à se suicider, c'est-à-dire qu'on est écœuré d'être écœuré et on est finalement écœuré d'être écœuré. Et quand on est écœuré d'être écœuré d'être écœuré, eh bien, on ne voit pas les solutions, on ne voit pas les portes de sortie et ça draine notre énergie. Un exemple, lorsque l'on se dit qu'on devrait pouvoir manger à sa faim ou qu'on devrait pouvoir au moins manger des aliments convenables, lorsqu'on devrait pouvoir respirer de l'air convenable ou quelle que soit la raison, on a toujours un patron, on est une femme, le patron a toujours sur notre dos puis c'est stupide. L'enfant qui va à l'école puis qui ne vit pas les choses convenablement, il va finir par être écœuré d'être écœuré, ça engendre une dépression particulière par écœurement. Et c'est nuancé. Et là, il y a un ajusteur de pensée qui vient là. L'individu refuse son ajusteur de pensée parce que l'individu n'a pas suffisamment d'énergie pour cesser de fuir ce qu'il sait. La personne, elle va dire, bon, qu'est-ce que je dois faire? Il y a une réponse qui vient et puis elle ne la veut pas. Parce que la réponse lui demandera de changer des choses chez elle. Et là, l'ego ne veut pas changer des choses chez lui parce que changer, c'est accepter du neuf. Accepter du neuf, c'est souffrir pour l'ego. Et là, l'ego ne veut pas souffrir. C'est préférable de vivre une dépression. Il y a d'autres formes de dépression, des dépressions énergétiques ou par épuisement physique. Par épuisement, parce qu'on travaille dans un cadre où les autres humains sont des vampires et nous têtent régulièrement. Les professeurs, souvent, vont vivre ça avec leurs enfants. Il y a un paquet de moyens de vivre ces conditions-là. Et là, on aura une dépression énergétique qui n'amène pas un contact avec l'ajusteur de pensée parce que la personne n'intelligencie pas sa dépression. Elle est dépressée, elle est en dépression, elle est déprimée, puis décœurée, puis elle ne veut plus, puis elle veut tout lâcher. Mais il n'y a pas de « oui, mais je suis tanné que ça marche pas, je suis tanné que ça marche de même, je suis tanné que j'aille encore. » Bon, ça, c'est une dépression qui amène un contact avec l'ajusteur de pensée parce que la personne, elle est déprimée de la stupidité planétaire. On est dans le pire des mondes. Alors, ça va bien dans le pire des mondes. Et quand un individu découvre cela, ben nécessairement, il y a des problèmes. Ton café, tes toasts sont brûlés dans ton grille-pain, un exemple. 1988, planète Terre. Pouf! Encore brûlé. Avec la technologie qu'on a et les humains qu'on est, nos toasts ne devraient pas brûler dans le grille-pain. L'individu qui finit par se déprimer de ces stupidités-là, ça sonne en bas. Tu viens pour répondre, ça marche. Tu sais, les boutons pour parler, ça marche jamais. Ça marche à peu près jamais. On t'essaye, ça marche un peu, ça marche pas. Là, tu fais tenir, t'écoutes pour voir si le gars va ouvrir la porte. Puis là, t'attends. Puis là, le gars qui est en bas, là, t'es là, puis tu pèses. Là, tu imagines le gars qui est sur le bord de ta boîte à mal, il vient de sonner. Là, ça fait tenir. Ça y prend combien de temps d'ouvrir la porte? Moi, quand je sonne, je m'en mets là, j'attends. Quand ça clique, j'ouvre. La majorité des êtres humains qui sont suffisamment nouveaux vont vouloir ouvrir la porte à l'individu en bas. Puis, à un moment donné, l'individu, ça y prend 20 secondes avant de prendre conscience que. Ça amène une dépression par ajusteur de pensée. T'es dans ton automobile, la lumière passe au vert. L'autre en avant, tu sais pas ce qu'il fait. Inverte, là. Inverte, là. Il y a toujours un laps de temps, les réflexes. Bon. Là, à un moment donné, là, il part. Ça va. L'autre lumière est rouge. Ça va. Là, inverte. Puis là, le gars, il est là, puis il attend qu'elle passe au vert. Inverte. C'est là, il fait bon. À un moment donné, il part. Lentement, ça, celui qui transite vers l'homme nouveau, un cerveau qui résonne beaucoup plus rapidement, un système endocrinien qui gère plus rapidement les choses et à un moment donné, ça engendre une frustration totale. On a beaucoup d'enfants qui décrochent à l'école parce que personne ne comprend, puis lui a tout compris, puis là, il faut qu'il reste là à niaiser. Alors, dès socialement, tu finis par décrocher, ça engendre une dépression qui t'amène à un ajusteur de pensée parce que déjà là, tu as un ajusteur de pensée pour voir l'incoordination événementielle à travers le monde dans lequel tu vis, donc la stupidité des choses. Comment intervenir avec des adolescents en psychiatrie qui jouent continuellement avec leur vie sans se brûler? Bon, ben, s'ils jouent, il faudrait savoir, là, sans se brûler, l'éducateur qui ne veut pas se brûler ou l'enfant qui ne se brûle pas en jouant avec sa vie? Mais sans doute l'éducateur. Comment intervenir avec des adolescents en psychiatrie? Bon, la première chose que l'être humain doit faire, c'est qu'il doit être suffisamment lui-même, suffisamment nouveau pour travailler avec même des enfants anciens ou des enfants nouveaux, ça n'a pas d'importance. Ça veut dire qu'en partant, l'éducateur, le pédagogue, doit se foutre royalement de l'enfant. Bon, ça, c'est sine qua non. Ça veut dire que si un enfant se suicide, ça ne le dérange pas. Bon, quitte à ce qu'il dise, bon, débarras, il fera ce qu'il voudra, mais il ne faut pas que ça le touche. L'enfant qui fait une sainte colère, il ne faut pas que ça le dérange. La première chose pour travailler avec des humains, c'est qu'il faut que ça ne nous dérange pas. Moi, je travaille avec des humains, puis je m'ajuste énormément, mais ils ont leur plan de vie à vivre, ils ont une part de karma à supporter, puis qu'ils comprennent, qu'ils ne comprennent pas ce qui leur arrive, ça ne me regarde pas et ça ne me touche absolument pas. Une fois que l'individu en arrive là, il peut dire « je suis libéré ». Alors maintenant, il pourra commencer à devenir un vrai pédagogue. Pourquoi? Je connais, moi, des chefs de groupe, je connais des chefs de famille, des professeurs, même des pédagogues, qui ont tellement peur de perdre l'autorité, l'affection, la crédibilité, qu'ils passent leur temps à acheter. Bon, alors le parent qui donne des récompenses à l'enfant, qui lui donne plein de compliments, qui, si l'enfant est un peu tannant, ben, il met en pénitence, puis 5 minutes après, ben, là, il laisse sortir. Le parent qui a peur que l'enfant l'haïsse, ben, le parent est tellement pris par l'enfant, donc il s'en fout pas de l'enfant. Hein? Mais en réalité, c'est pour lui, mais quand même, disons. Alors nécessairement, il ne peut pas l'éduquer. Le pédagogue qui décide que tel enfant doit passer par tel phénomène d'éducation et il se balance ce que l'enfant va dire ou crier, si le pédagogue est convaincu qu'il pourra le faire, il n'en souffrira pas, donc il ne se brûlera pas. Maintenant, en psychiatrie, ça dépend encore des problèmes des enfants. Parce que la psychiatrie, elle paramètre certaines problématiques et il faut encore nuancer énormément. La seule réponse que je peux donner, c'est au niveau de se brûler, il faut que ça ne nous touche pas. Les chirurgiens t'opèrent, ils meurent, c'est pas grave, amenez le suivant. Correct? Tu n'auras pas besoin de boire, de te droguer, tu n'auras pas besoin d'être rien d'autre. Et quand on dit que souvent les chirurgiens, les médecins, c'est des bouchers, s'il n'est pas bouché, il ne peut pas t'opérer. Il a le choix. Ou il veut que tu vives, puis il t'aime, puis il a tellement peur que tu meurs, qu'il te tue, parce qu'il n'est absolument pas efficace, ou il s'en balance comme l'an 40, après une dissectomie, tu sais, l'autre check l'anesthésie, il jase en même temps de son camp en fin de semaine. Ils ne sont pas pour commencer à tout avoir peur qu'ils meurent, ils ne pourront plus rien faire. Le problème, c'est qu'il y a énormément de médecins, de personnes qui travaillent dans le milieu médical qui vont être justement drogués, médecins qui se prescrivent des drogues, c'était relativement connu. Les infirmières et techniciens d'Inalo, enfin tout le personnel médical, il y en a plusieurs qui vont boire, qui deviennent alcooliques, etc. Parce que justement, ils ne sont pas capables d'éliminer la culpabilité du fait que de temps en temps, ils ont l'impression de ne pas être humains parce que ça ne leur fait rien de voir des morts. En réalité, tu es beaucoup plus humain. Quand tu laisses une personne mourir, c'est normal de mourir, donc c'est humain. Et ça te donne beaucoup plus de fonctionnalité pour arriver à être efficace. Alors, la personne ne peut pas se brûler, il faut qu'elle puisse travailler en ne pensant pas que le karma des enfants avec qui elle travaille repose sur ses épaules à elle. Quand j'ai des questions à poser, j'ai toujours une réponse à fournir. Je me demande si je pose la ou les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux savoir que je ne sais pas déjà? Bien, elle le sait, là, parce que de toute façon, elle lui posait la question, donc elle a eu les réponses. On va parler un petit peu de ce que c'est que la question. Vous savez qu'une question, fondamentalement, ça n'existe pas, une question. L'humain pense qu'il pose une question. En réalité, l'humain ne fait que répéter ce qui lui reste. Alors moi, je dis, bon, on donne un cours d'anatomie, et on parle de la jonction tibia-péronée. Personne ne connaît ça. Bon. Alors, on commence, on y va avec les muscles gastrocnémiens, les ici, les ça, et puis on parle de la jonction, du point d'acupuncture qui se trouve là, près de bon. Et puis finalement, après notre heure de cours, la personne, eh bien là, à vous des questions. Ah ben là, oui, qu'est-ce qui? Des questions que personne n'avait avant. Autrement dit, c'est que les traces qui leur est restées, c'est ce qu'eux vont... contact vibratoire avec un événement majeur qui se passe autour d'elle. Ça peut être planétaire, ça peut être solaire, galactique, universel, super universel, créationnel. Ça n'a pas d'importance. Et il y aura dans cette gustation de l'événement, disons dans le passage du faisceau, ça simplifie les choses. Dans le passage du faisceau, eh bien, il y aura tout le contour du faisceau qui va laisser une trace chez elle. Tout l'intérieur du faisceau n'est pas là. Alors, la personne, elle va rester avec une saveur particulière et dans cette saveur, il lui manque ce qui l'a créé, la saveur. Alors, elle va dire, qu'est-ce que... Bon, c'est simple. Alors, je ferme vos yeux, je vous ouvre la bouche, vous n'avez aucune question. À un moment donné, je mets un petit peu de poivre sur votre langue. Immédiatement, c'était quoi ça? Voilà. Il vous reste une mémoire, il vous reste un stimuli, mais il vous manque tout ce qui peut créer cela. Et on va dire, j'ai une question. La personne, elle pose la question et elle a des réponses. Lorsqu'une personne pose une question convenablement, si elle a un ajusteur de pensée, qu'elle l'aille temporairement ou qu'elle l'aille soudé à elle, l'ajusteur de pensée se met immédiatement à la recherche d'énergie pour combler le trou. La personne qui pose la question réétablit le canal dans sa psychologie d'une façon énergétique et au niveau des mots, elle aura la question. Le canal étant réétabli, l'ajusteur de pensée pourra chercher à se brancher et il peut amener une information fautive, comme une information réelle dépendant si se branche au monde de la mort, au ciel, au monde astral ou au contexte supramental. Et nécessairement, la personne, elle peut avoir une réponse et l'ajusteur peut se brancher ailleurs, elle peut avoir des réponses. À quoi ça me sert de poser la question ou encore qu'est-ce que je veux savoir si, etc.? Absolument rien. La question chez l'être humain, c'est une occupation du point de vue de l'ego, mais en réalité, c'est une mécanicité hautement évolutive. Chaque fois que l'on se pose une question, si on ne se pose pas la même question, cette question ne provient pas de nos mémoires. Quand on pose des questions neuves, nécessairement, chaque fois qu'on pose une question neuve, c'est qu'on a accès, on ouvre un robinet d'eau, un robinet d'énergie qui nous grandit, donc qui augmente notre schéma de conscience chez nous. L'individu qui, égoïquement, pense que la question est un problème et qu'il doit y avoir une réponse, une solution, va vivre, si elle se conscientise, du stress de la question. Et la personne pose une question, puis elle n'a pas la réponse, et puis là, elle veut la voir, puis là, elle a peur, puis bon. Alors, il arrive quoi? Pourquoi une question sans réponse? Oui, on va répondre aux questions. Pourquoi une question sans réponse fait peur? Bien souvent, cette fièvre de l'évolution, c'est que la personne qui a maintenant la question vient de découvrir un nouveau canal. Le nouveau canal n'est pas expérimenté par son ego. Donc, l'ego découvre qu'il y a des choses qu'il ne sait pas, que du neuf. Nécessairement, il voudra le combler le neuf pour redevenir sécure avec du connu. Et là, ça peut engendrer les fièvres de l'évolution que l'on connaît. Alors, la personne, qu'elle continue à se poser des questions, qu'elle continue à se répondre, c'est parfait. Est-ce nécessaire pour être incinéré d'attendre 3 jours ou bien si on peut le faire immédiatement au décès comme Jésus 3 jours? Puis une autre partie de la question. Bon, le Nazaréen n'a pas été incinéré. Le Nazaréen, son corps avait dit qu'il reviendrait 3 jours après. Nécessairement, son corps physique a été désintégré éthériquement quelques heures après qu'on l'ait placé dedans le tombeau. Et il est revenu devant les apôtres 3 jours après de façon à accomplir les prophéties. Ça sécurise l'ego lorsqu'on est assez chronométré avec les prophéties. Bon. Au niveau de l'incinération aujourd'hui, il y a eu un temps où l'être humain devait attendre quelques journées avant de soit d'enterrer ou soit de brûler, parce que l'âme étant extrêmement basse, le périsprit étant pas suffisamment vibrant, le périsprit restait avec le corps un grand bout de temps. Et si on détruisait le corps par le feu, eh bien on détruisait le périsprit, une grande partie de l'âme, ce qui fait que les mémoires réincarnationnelles étant détruites, ne gagnaient pas le monde de la mort. Pour l'individu, au niveau de l'esprit, ça ne change rien, mais pour l'expérience planétaire, on perdait l'expérience de vie de l'individu. Aujourd'hui, les corps vitaux, si on regarde la partie nord planétaire, les corps vitaux étant beaucoup plus éthérifiés, beaucoup plus évolués, lorsqu'un individu meurt, immédiatement, le corps vital est assujetti du corps physique, et donc qu'il brûle même dans un incendie ou qu'on le fasse brûler dessus, ça ne dérange rien. Il y a un avantage en plus d'incinérer un individu rapidement, mais rapidement, il faut s'entendre, attendez au moins le constat de décès, là, quand même. Mais il y a un avantage, c'est qu'étant donné que les parties les plus hautes décollent en premier, si le corps est relativement incinéré rapidement, les parties les plus basses de l'individu vont être détruites à jamais par le feu. Et donc, ça purifie un peu plus l'expérience planétaire du monde de la mort et ça libère un peu l'individu qui vient de mourir de la phase purgatorielle qu'il aura passée dans la digestion de ce qu'on appelle le purgatoire. En parlant de Jésus, comment bien le connais-tu? Comment bien le connais-tu? Très bien, très, très bien, très bien. C'est très pénible pour un jeune enfant de se faire téter en bec et en caresse par tout le monde. À 2 ans, il peut être très facilement culpabilisable dans son refus par autrui. Comment l'éviter? Car à cette âge, il est impossible de lui demander de s'adapter. Il n'en comprend pas l'intelligence. Le livre de la série de cassettes sur l'enfant nouveau est des plus instructifs. Merci. Cet enfant-là, on doit le protéger et on doit interdire à toutes les têteux de venir le toucher. Grand-maman ne comprendra pas qu'elle ne comprenne pas, mais qu'elle ne touche pas. Grand-maman a moins de temps à vivre que lui. L'enfant est plus important, c'est logique. Les parents, on va magasiner avec l'enfant, tous les voisins, le monde qu'on ne connaît pas, la caissière, tout le monde vient toucher l'enfant. Ça doit être totalement interdit. Là, ils vont trouver que vous êtes drôlement ceci, cela, ça n'a aucune importance, mais effectivement, l'enfant, on n'est pas pour commencer à lui expliquer que tout le monde a besoin de ton énergie. Plus ils sont âgés, plus ils veulent voler un peu de ton énergie, ça les rajeunit un peu, ça les repeppe, et ils ont besoin de te toucher. Tu es un objet social, et tu dois te plier à l'objet social. Non, l'enfant n'est pas capable de le comprendre, puis si l'enfant serait capable de le comprendre, il n'y aurait pas à le comprendre. C'est lui qui a raison. Alors, la seule solution, c'est d'interdire royalement l'extérieur et l'entourage de l'ETT. C'est simple, c'est très simple. Ou minimum, collecter. Okay, une question en deux feuilles, pas en deux parties, mais en deux feuilles. Je suis une adolescente, j'avais un problème avec mon père au sujet de l'argent. Cela m'affectait beaucoup, jusqu'au jour où je lui ai dit de s'étouffer avec. J'ai encore le même problème, mais je m'en fais plus. Mais comment le réveiller? J'ai eu mon prof d'histoire, ça c'est un ancien, il n'a pas de doute. Il passe son temps à donner des copies et à vous insulter. Comment lui dire de nous foutre la paix sans qu'il bosse? Ou bouse, je ne sais pas trop. Bon, ben là, un jour, je fais des conférences aux enfants, les adultes ne seront pas là. Sinon, je risque d'avoir des problèmes. J'avais un problème avec mon père au sujet de l'argent, blablabla. Maintenant, la personne, ce qu'elle pose ici comme question, c'est comment puis-je parvenir à manipuler mon père pour qu'il me donne ce que je veux sans qu'il s'en rende compte, hein? C'est la question, finalement. Alors, j'ai encore le même problème, je m'en fais plus. Mais comment le réveiller? Mais c'est quoi le réveiller? Le réveiller, c'est quoi? C'est de dire au bonhomme, hey, écoute bien, besoin d'argent, réveille. Oui, mais le bonhomme, il travaille pour ramasser son argent. Puis écoute bien, il faut aussi qu'il réveille l'enfant. Alors ça, c'est une chose qui est très intéressante. C'est évident que les parents ne sont pas là pour donner aux enfants. Puis quand un enfant dit « Oui, mais moi, j'ai pas souhaité de venir au monde. » Effectivement. Mais ton père n'a pas souhaité de t'avoir toi non plus. C'était un autre qui attendait. Pas ta faute non plus. Alors, vu que c'est pas faute ni à l'enfant ni aux parents, ben entendons-nous. Puis démerdons-nous pour arriver à vivre le mieux possible. Alors, ça, c'est une chose qui est importante. Par contre, on peut sans doute marchander avec les adultes. Et ça, ce marchandage-là, il est instructif pour les deux parties. Alors, pour au lieu de réveiller son père, bien, on doit simplement s'arranger pour faire un échange d'énergie avec lui. Souvent, l'enfant ne le fait pas. Ici, si c'est une adolescente, elle est capable de comprendre ce que c'est qu'un échange d'énergie. L'échange d'énergie, ça veut simplement dire que je vais travailler pour toi. Le père peut dire, ah oui, mais tu sais, tu fais le ménage, mais c'est normal, tu fais ce ménage. Oui. Sauf que toi, quand tu travailles, on te paye. Moi, quand je travaille, c'est juste normal. Je vais à l'école, je passe mon temps comme toi là-bas, c'est normal. Puis toi, t'es payé pour être normal. Puis parce que t'es payé, t'as des congés de maladie. Moi, si j'ai pas le goût d'aller à l'école, pas le droit. Ah non, faut que j'aille à l'école. Mon professeur, lui, a le droit d'être malade. Moi, j'ai pas le droit d'être malade, interdit. Alors, faut qu'on s'organise pour pouvoir jaser avec son père, et de façon à pouvoir lui dire, bon, ben de temps en temps, je vais faire un effort dans la maison. Je vais donc travailler et puis je peux-tu avoir un salaire? Un salaire minuscule, il ne faut pas s'attendre à ce que le bonhomme, il donne la moitié de sa paye à son enfant. Mais n'empêche que l'échange d'énergie est extrêmement important. Toute la vie marche comme ça. Plus vous allez donner à la vie, plus elle va vous donner. Alors nécessairement, si on veut, au nom du fait que c'est son père ou sa mère, ramasser sans donner, non. Puis s'il est nouveau, tu ne le réveilleras pas comme ça. Mais l'échange d'énergie à ça, on peut comprendre. Moi, à un moment donné, ma mère, elle n'était pas tout à fait nouvelle, et puis elle me disait, si tu pèles l'entrée quand il était des tempêtes de neige, je m'en donnais 50 cents. Moi, à l'époque, mes 50 cents, je n'avais pas d'argent, c'est déjà pas pire. Alors, à un moment donné, il neige, il tombe 6 pouces de neige, je te pèle tout ça complet. Puis là, je rentre, j'ai mon 50 cents. Là, elle me dit, non, ça, c'était pas une tempête. Ah bon, mais j'ai pu pelleter après. Mais quand elle a voulu qu'on recommence, j'ai passé une pièce, payable d'avance. Puis là, ça a marché. Alors, il y a des moyens de s'arranger. J'ai mon prof d'histoire, ça c'est un ancien, il n'y a pas de doute, il passe son temps à donner des copies et à nous insulter. Comment lui dire de nous foutre la paix sans qu'il bosse? Buzzé, n'est-ce pas, ça veut dire, c'est comme un ordinateur, on appelle ça planté. Hein? À un moment donné, là, il ne peut plus marcher, c'est fini, il capote, buzzé. C'est que le professeur d'histoire gagne sa vie, c'est plate. Mais une chose certaine, c'est qu'on est en école pour apprendre l'histoire, et c'est plate. Surtout pour quelqu'un qui veut apprendre l'avenir, pas le passé. Mais une chose qui est certaine, c'est que tant qu'à être pogné dans la classe d'histoire, passons donc là sans histoire. De toute façon, on est pogné là. Alors, quand l'année est finie, moi, quand mon professeur, quand j'ai un professeur, je m'organise pour ne pas doubler. Je fais tout pour être sûr de ne pas tomber dans la même classe que lui. Alors, pour pas qu'il buzz, etc., etc., etc. Non, son rôle est de buzzer. Si c'est un professeur ancien, alors tu n'as rien qu'à te démerder pour passer ton année. Passe-la juste, mais passe-la. Ne retourne plus avec lui. Pour avoir accès à la lumière, la volonté suffit-elle pour dépasser la polarité émotionnelle qu'exerce le monde astral sur nos pensées? Étant donné que la volonté est une illusion qui provient du monde de la mort, donc des forces astrales, dans la majorité des cas exprimés par l'humain, ce n'est pas la volonté qui va nous amener à le faire. Mais l'individu va dire, oui, mais je n'ai pas la volonté. Justement, on a la volonté qu'on nous permet, on a la volonté qu'on nous donne. On ne peut pas avoir la volonté qu'on n'a pas. Pour avoir accès à la lumière, la volonté suffit-elle pour dépasser la polarité émotionnelle qui exerce le monde astral sur notre pensée? Non. Premièrement, la pensée est typiquement astrale. L'homme nouveau ne pense pas, et l'enfant nouveau ne pense pas non plus, la femme non plus. Ils parlent, ils ont un savoir instantané, mais ils ne pensent pas. La pensée, elle est manipulée. Hein, on sait que lorsqu'on veut dormir le soir et que ça pense dans notre tête, ben c'est pas nous autres qui pensons, sinon ça ne penserait plus. Lorsqu'il faut qu'on s'applique à se concentrer, c'est parce qu'on est toujours dérangé, ce n'est pas nous qui pensons. Il y a autre chose que de la pensée dans l'homme, et c'est de l'intelligence. La pensée, elle amène la pensée, c'est l'expression de notre astral à travers notre corps physique, en l'occurrence notre système neuronique, ce qui engendre des images énergétiques, électromagnétiques, les idées. Alors, pour avoir accès à la lumière, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler. Premièrement, il faut être dans un corps d'humain. Deuxièmement, il faut souffrir avec ce corps-là. La souffrance, c'est de l'anégoïsation, c'est la façon d'arriver à briser des parties de l'ego. En égoïsant l'ego, on renforce notre périsprit, l'enveloppe de l'âme. Renforçant l'enveloppe de l'âme, on devient moins influençable, donc moins manipulable. Devenant moins manipulable, on conserve plus son énergie. Conservant plus son énergie, on cellularise notre évolution dans notre corps physique, donc on change de corps physique. Changeant le corps physique, nécessairement, on va vers ce que la personne appelle la lumière. À un moment donné, l'individu va dire, « Ah oui, mais subitement, tu sais, après 3 ans de travail, j'ai fini par développer ma volonté. » Non. Subitement, après 3 ans de travail, eh bien, ton corps pouvait maintenant travailler et tu as pensé que tu avais développé ta volonté. L'enfant de 4 ans, l'enfant de 4 mois qui ne peut pas marcher, bien, quelle la journée qui arrive à marcher, il va dire, bon, ben ça y est, là, j'ai la volonté de marcher. Volonté, pas volonté, tu as le corps physique, marcher, tu vas marcher pareil. Ne suffit-il pas de 100 enfants nouveaux pour changer la vie sociétaire au niveau de la planète? Qu'adviendra-t-il alors des hommes anciens et transitifs s'ils n'ont pas la capacité de changer ou de s'adapter à l'intelligence de ces enfants nouveaux? Des esclaves, des minus, des rien du tout, quel prix faut-il payer pour que des enfants nouveaux soient adaptés? Notre propre mésadaptation, ce n'est pas sûr que j'en suis prêt. Bon, il y a une chose qui est très importante, c'est que moi, je suggère fortement aux gens de travailler avec les enfants nouveaux et de parvenir à les comprendre, parce que premièrement, les enfants nouveaux permettent aux adultes de changer aussi. L'adulte va finir, parce que vous avez tous déjà été des enfants nouveaux, mais on vous a très, très bien adapté, très, très bien malléabilisé, et finalement, mémoriellement, traditionnellement, on a l'expérience de ce monde-là et on ne veut pas trop le changer. C'est comme la personne qui s'engueule continuellement avec son conjoint ou sa conjointe. Eh bien, ils pourraient divorcer, mais au nom d'un paquet de traditions, ils ne veulent pas divorcer. Mieux vaut souffrir ensemble puis rester dans la tradition que de risquer un bonheur inconnu. La société, si elle change, ça sera mieux. Il y aura nécessairement des phases, des crises. Il y aura les hommes anciens, les femmes anciennes et les enfants anciens qui vont lutter à tout prix pour empêcher l'homme nouveau de naître. Et nécessairement, le problème, l'avantage que l'homme nouveau a sur l'homme ancien, c'est que l'homme ancien a l'habitude de s'autodétruire entre lui. Alors, qu'est-ce qui va arriver avec les hommes anciens? De toute manière, ils risquent de se tirer le bombe tout seul. L'homme nouveau n'aura même pas besoin de s'en occuper. La grosse problématique de l'enfant nouveau ou de l'homme nouveau ou de la femme nouvelle, ce n'est pas de savoir s'ils vont survivre au problème de l'homme ancien, mais quel va être leur genre de vie. Parce que pour survivre, ils vont survivre. Mais l'homme nouveau, l'enfant nouveau et la femme nouvelle, ce qui les intéresse surtout, c'est de s'arranger pour ne pas se ramasser dans les décombres laissés par l'homme ancien. Parce que j'appelle, moi, l'animal humain. Alors, c'est évident, qu'adviendra-t-il des hommes anciens et transitifs qui, s'ils n'ont pas la capacité de changer? Qu'adviendra-t-il de tous ceux qui disent que la Terre est plate et qui ne veulent absolument pas accepter que la Terre est ronde? Ils l'accepteront, ou bien, quand ils seront morts, de toute façon, ils ne seront plus là pour défendre leur théorème. Alors, c'est évident qu'il y a un prix qui est immense à payer. Présentement, c'est le nouveau qui paye le prix. Et à un moment donné, il y aura un équilibre entre les deux, il y aura une guerre. Sauf que l'homme ancien étant tellement occupé à défendre son point de vue psychologique, il risque beaucoup plus de s'entretuer pour des frontières fictives qu'il a établies sur la planète, plutôt que de se battre contre l'homme nouveau. L'enfant nouveau, l'homme nouveau et la femme nouvelle vont apprendre relativement rapidement, il y aura des phases d'adaptation, mais ils vont apprendre très rapidement à s'éclipser de la société de l'homme ancien, c'est-à-dire qu'ils vont apprendre à aller chercher ce qu'il y a de mieux là-dedans, et ils vont s'arranger pour s'éloigner. Donc, il n'y aura pas de guerre entre l'homme nouveau et l'homme ancien. L'homme ancien fera tout pour empêcher l'homme nouveau de réussir. L'homme nouveau ne luttera pas pour détruire l'homme ancien. Premièrement, l'homme nouveau n'a pas de temps à perdre. Deuxièmement, l'homme ancien mute et vient augmenter les contingences d'homme nouveau. Et l'homme ancien qui ne mute pas, de toute façon, s'auto-détruit lui-même. C'est toujours ce qu'il a fait à travers les schémas temporels. Et c'est ce qu'il a déjà fait avec lorsqu'il vivait sur d'autres planètes. Alors, ce n'est pas un gros problème. Qu'est-ce que sera, bon, une fois qu'on a une société d'hommes nouveaux, qu'est-ce qui advient des hommes anciens? Des mineurs, des esclaves, non. Il n'y a aucune intelligence à se servir d'humains comme esclaves. Il y a de l'intelligence à se servir de robots comme esclaves, pas d'humains. Autre chose, l'humain est de toute façon cellularisable. Qu'est-ce qu'il faut à l'homme ancien pour qu'il change? Il faut simplement la preuve que le changement est possible. C'est juste ça qu'il lui faut à l'homme ancien. Mais il n'a pas l'énergie, il n'a pas la capacité, il est manipulé par les forces astrales, il est manipulé par les traditions, par les archétypes, par son passé. Et il lutte contre toute forme de néotype, contre toute forme de choses neuves, contre toute chose qui peut transformer sa sécurité du passé. Mais si à un moment donné, il y a une preuve que ça se fait, alors prenons l'exemple de la fraternité OFSA ou du projet OFSA, l'organisation du village scientifique de l'avenir. Il y a énormément d'hommes anciens et de personnes transitives qui vont tout faire pour essayer de convertir, donc, c'est que de le dire, de convaincre les gens d'OFSA que ça se peut pas, que c'est utopique, que ça marchera pas, que, etc. Pour ne pas avoir à se rendre compte que ce qu'eux autres ont toujours voulu, mais qu'ils n'ont pas fait, d'autres l'ont fait. Mais si un jour, il y a une preuve tangible que l'humain peut arriver à vivre intelligemment, d'une façon libérée, il n'y a pas à travailler, la matière travaille pour nous. On a une technologie robotique qui peut nous permettre de travailler notre place. Alors nous, on joue au tennis pendant que le robot fait le ménage de la maison. C'est simple et logique. Alors si un jour, on arrive à prouver à l'homme ancien que ça se fait, c'est pas long que l'homme ancien va embarquer. L'homme ancien est manipulé. Mais c'est pas un imbécile. Il y a énormément de structures chez lui qui sont carcanisantes, qui le gèlent. Mais c'est pas un imbécile. L'homme ancien a de l'esprit. L'homme ancien a de l'intelligence. Mais elle est omnibulée par son passé, par sa mémoire, par l'expérience. Mais un être humain, prenons l'exemple des parents, même des parents très anciens qui vont dire à leurs jeunes nouveaux de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela, etc. Mais quand le jeune nouveau est devenu boss de compagnie, les parents, ils sont pas fous. Hein? Il y a des parents, évidemment, qui ne comprennent pas, mais c'est pas grave, ça devient juste comique, ils n'en souffrent pas. La mère des deux bonhommes, des deux frères qui ont parti la chaîne de restaurant à McDonald's, à un moment donné, il y a 2 ans, elle a été interviewée par des journalistes, puis elle a dit, les journalistes lui ont demandé, qu'est-ce que vous souhaiteriez le plus pour vos deux fils? Elle a répondu, bien, qu'ils cessent de faire les fous, puis qu'ils se trouvent un job stédé. Bon, ils sont multimillionnaires, mais ils n'ont pas de job stédé. Ils ne sont pas sous un patron. Mais la mère, elle a 80 quelques années, c'est pas grave. Elle n'en souffre pas pantoute. Elle est gâtée par ses enfants, puis ses enfants, ils ont conquis le monde avec le hamburger. Bon. Alors, il n'y a pas de problème. L'homme ancien n'est pas un cave. Quand les choses vont commencer à virer de l'autre côté, ça va virer immédiatement. L'évolution de l'être humain peut-elle se faire ailleurs que sur la Terre? La personne qui se suicide va-t-elle revenir ici automatiquement? Elle ne reviendra pas nécessairement ici, mais elle va venir automatiquement, oui, mécaniquement. L'évolution de l'être humain n'est pas présentement possible ailleurs que sur la planète Terre. Puis quand un être humain meurt, il ne se réincarne pas sur notre planète. Et les extraterrestres qui vont venir sauver l'humain, faites-vous-en pas, ils ne viendront pas prendre des humains qui polluent ici pour les amener sur la planète pour qu'ils viennent polluer autour là-bas. Alors, non, l'être humain, on évolue sur le plan planétaire. Et même si ça va très mal sur la planète, ça va très mal à cause de nous. Alors, on est réellement dans la meilleure école pour apprendre des choses. On parle nécessairement d'évolution améliorative. Et on est ici pour évoluer de cette façon-là et on est dans la meilleure école. Montrez-moi une société qui est tout croche. Si je suis dedans, j'en suis responsable. Amenez-moi ailleurs, moi vous la rendre croche aussi, veux pas. Si par contre je peux travailler pour la remettre droite et que je travaille contre tout le monde, si après 10 ans de travail vous m'amenez ailleurs, je ne toucherai pas votre société. Mais normalement, après 10 ans de travail, si le travail est intelligent, la société aussi commence à changer. Alors, ça ne sert à rien de vouloir fuir notre problème. Ça ne sert absolument à rien. Ah oui, mais c'est le stress ici. Génétiquement, tu es un être stressable. C'est pas la société qui nous stresse. Dans l'Antiquité, à l'époque des Romains, à l'époque des Égyptiens, à l'époque des Portugais, le stress n'existait pas comme aujourd'hui. Mais pourtant, on pouvait se faire descendre à tous les coins de rue. On pouvait se faire voler n'importe quand. La police venait nous voler. Les rois nous sautaient sa tête. Il y avait, bon, il n'y avait pas de bien-être social. Il n'y avait pas de chômage. Puis on n'était pas stressé comme aujourd'hui. La société ne nous stresse pas. Génétiquement, nous devenons stressables. Il faut faire attention. Le stress dans nos sociétés, le stress biologique, est simplement une transition entre un corps physique qui agit lentement par rapport à la vie et vers le corps physique nouveau qui agira à une vitesse extrêmement plus rapide. Et entre les deux, il y a des parties qui agissent lentement, des parties qui vont plus vite. Ça crée une friction entre les deux qui stresse effectivement le phénomène psychologique. Mais c'est transitoire et mutatif. C'est très, très, très, très intelligent. À quand les séminaires pour les enfants nouveaux? À prochainement. L'humain transitif, est-ce un humain nouveau, bafoué, écrasé par la société? Tous les humains qui viennent au monde sont nouveaux, bafoués, écrasés par la société. La société, elle fait ce qu'elle peut. La société n'est pas mauvaise. La société, elle est conçue par l'humain. La personne transitive, c'est une personne qui a la génétique pour être capable de supporter l'intelligence. Et soit qu'elle l'est devenue parce qu'elle a muté, le petit 5 ou 0.5%, mais un être humain qui est conscient mute beaucoup plus rapidement du point de vue neuronique, axonique et endocrinien. Le règne animal est-il entraîné dans l'évolution de l'homme nouveau? Absolument pas. Le règne animal, l'animal n'a rien à voir avec l'homme. Il y a de cela quelques milliards d'années, à travers les sphères biologiques qui étaient en train d'être élaborées, la sphère biologique qui était capable, en premier, de supporter un contact avec une mécanicité mémorielle de l'intelligence qu'on appelle l'âme, a été nécessairement déterminante à travers l'évolution de ce phénomène amique. Et nous habitons encore ces véhicules animaux, c'est le corps de l'homme. Les autres animaux n'ont aucune fonction autre que de servir l'homme, et nécessairement l'être humain émotif pourra se servir de l'animal en l'asservant. L'être humain intelligent pourra se servir de l'animal d'une façon intelligente, donc sans le rendre esclave. L'animal n'évolue pas comme l'homme, les plantes n'évoluent pas comme l'homme. La théorie qui dit que les minéraux se réincarnent en végétaux, les végétaux en herbivores, les herbivores en carnivores, les carnivores en humains, il se trouve que c'est une théorie de l'évolution, parce que finalement, c'est beaucoup plus beau des règnes inférieurs. Mais ce n'est absolument pas ça qui se passe. C'est évident que quand un être humain mange une fleur, ou mange un navet, une patate, toute la structure de la patate devient humaine, un laps de temps. Elle sera transpirée ou excrétée à un moment donné. La fraternité of soul est-elle sectaire? Absolument pas sectaire. Par contre, elle est intelligente. Alors, il faut faire attention avec sectaire. C'est quoi être sectaire? Les médecins n'acceptent pas ceux qui ne sont pas diplômés. Est-ce qu'ils sont sectaires? Bien, si, il faut bien faire attention à ce qu'on entend par sectaire. Est-ce que l'école Waldorf de Rudolf Steiner est une école nouvelle? Elle existe présentement à Montréal. C'est une tentative qui a été faite. C'est une école nouvelle qui date d'une trentaine d'années et qui, depuis la mort de Rudolf Steiner, est restée à cette étape. L'humanité a continué à évoluer pendant ce temps. Si on la compare avec notre système scolaire d'aujourd'hui, est-ce qu'elle est plus nouvelle que le système scolaire de la société présentement? L'enfant dans notre système scolaire est mieux préparé à vivre dans notre monde fou que dans une école comme celle-là. Quand j'étais ancien, je pouvais virer une brosse de deux jours. Quand j'étais spirituel, je pensais dormir 3 heures et être en pleine forme. Depuis que je ne suis plus dans les nuages, je suis plus sensible à l'alcool et au manque de sommeil. Est-ce dû à une plus grande perception, à un drainage accru par l'ego qui grossit avant de mourir ou quoi d'autre? Tout ça et quoi d'autre? Qu'est-ce qui déclenche la cellularisation dans le code génétique? Est-ce que l'on cellularise seulement les choses qui peuvent nous être utiles ou ça peut se retourner contre nous? Pouvez-vous éclaircir le phénomène de la cellularisation? Premièrement, tout ce qui est expérimenté par l'ego est suffisamment exprimé par le système endocrinien, altère suffisamment le corps pour finalement perturber le code génétique, donc la liaison sur le sucre des oxyribose au niveau du noyau, donc nucléique. Et cela permet une transformation entre certaines protéines, thymine, guanine, etc., qui se servent justement à maintenir la codification génétique chez l'homme. Tout ce qui est exprimé endocrinalement, donc hormonalement, entraîne immédiatement une mutation de tout le système de transmission génétique, donc de la procréation. Il y a deux formes de mutations cellularisantes chez l'homme. Celle où son cerveau travaille, c'est une mutation de reprogrammation. Elle est plus lentement cellularisable, donc plus difficilement transmissible aux enfants. N'empêche qu'elle l'est. Le reste de la cellularisation, c'est le renforcement du corps physique à réagir et à soutenir une dose massive d'énergie, on pourrait dire une plus grande agression. Plus l'être humain vit de l'émotion, plus l'être humain vit des émotions plus puissantes, plus le corps physique s'endurcit. S'endurcissant, la mutation génétique entraîne aussi une problématique. Lentement, les cellules neuves, les cellules de l'enfant qui, lorsqu'elles se divisent, engendrent une vie aussi parfaite que les premières cellules, on appelle ça la maturation. Arrivé à l'adolescence, lorsque des mécanicités hormonales peuvent s'exprimer plus puissamment, il y a donc, là, l'évolution commence réellement, au niveau cellularisante. Et étant donné qu'il y a une expression plus puissante du système hormonal à partir de la puberté, le corps physique cellularise plus et il est plus altéré. À partir de cet instant, les cellules mères qui se divisent pour continuer à maintenir la vie finissent par rejeter l'évolution. Chaque division cellulaire après l'adolescence est un excrément cellulaire, ce n'est pas une division cellulaire. Et l'excrément, la cellule fille qui va être excrétée, c'est celle qui contient la cellularisation dans la majorité des cas. Immédiatement, la cellule mère, pour lutter contre la... pour arriver à faire une dissociation mécanique, ce n'est pas intentionnel, c'est mécanique. De toute façon, il y a un livre que je vais sortir cet automne, tome 1 de la naissance à la mort, qui explique scientifiquement cette mécanicité. Alors, il en vient un temps où la cellule se divise en deux chez l'enfant, ça crée deux cellules jeunes qui vivent. Et à un moment donné, lorsque notre peau ici, le bronzage s'en va parce que les cellules mortes tombent, et à un moment donné, les cellules qui montent à la surface sont l'excrément des cellules mères, c'est-à-dire que ce sont les cellules qui ont du neuf dedans, qui ont un peu de cellularisation du point de vue de leur génétique. Et là, la cellule commence à se diviser plus rapidement qu'antérieurement parce qu'elle refuse l'évolution, la cellule mère, et là, continuellement, notre vieillissement va commencer parce que nous rejetons totalement le neuf et la vie chez nous. Et pour que la cellule mère puisse arriver à se protéger, se divisant avant son temps, elle perd énormément d'énergie, elle n'est pas prête. Perdant de l'énergie, elle oublie lentement sa forme, donc elle se tarit. Se tarissant, cela engendre le vieillissement que nous connaissons au niveau de notre corps physique, et cela engendre la mort. Avant la mort, il y a la reproduction, et le peu de cellularisation que nous avons réussi à placer au niveau de notre code de transmission reproductif est transmis à nos enfants très lentement. La majorité de l'évolution dans l'humanité jusqu'à date a été transmise par l'éducation. Alors, à un moment donné, on pourra peut-être revenir sur le phénomène de la cellularisation du point de vue génétique, mais de toute façon, cet automne, il y aura un livre qui va sortir. Oh, c'est un tome 1 de 350 pages qui explique justement le phénomène de cette cellularisation du point de vue physique et biologique. C'est un livre pour amener des preuves scientifiques du phénomène de l'homme nouveau. À la lumière de ce que tu viens de dire, lorsqu'un initié, par exemple, rencontre la puberté à un âge avancé, 23, 24, 25 ans, à ce moment-là, entre l'âge normal de 12, 13, 14 ans et l'âge de 24, 25 ans, 30 ans, 29 ans dans certains cas, il y a un travail probablement qui s'est fait, qui a été accéléré. C'est-à-dire qu'il a pu se faire, pas accéléré, mais qu'il a pu se faire. Bien, étant donné qu'il y aura beaucoup moins d'expression hormonale type adulte, il réincarnera beaucoup moins de phénomènes adultes. L'enfant a beaucoup plus de mémoire du neuf parce que l'enfant découvre le neuf. L'adulte a beaucoup plus de mémoire du passé, donc est beaucoup plus stagnant par rapport au neuf. Nécessairement, plus la phase d'adolescence est retardée, et il y a beaucoup de la phase biologique, je parle bien nécessairement, pas la phase d'identification. Alors, plus la phase biologique est retardée, plus l'enfant, s'il n'est pas anormalisé par la société, si on ne lui dit pas qu'il est malade, qu'il a un problème pathologique et patati et patata, bref, si on ne lui compte pas plein de conneries, nécessairement, il aura la faculté de continuer à réincarner des enfants, il acceptera plus de neuf, il aura un ajusteur de pensée et il aura plus de potentiel à devenir ce que tu appelles un initié. Pourquoi souhaiter un monde nouveau? Jésus, Galilée, Einstein, etc. ont fait une vie nouvelle sans avoir besoin d'être dans un monde nouveau. Voyez-vous, Jésus a fait une vie nouvelle, effectivement, puis a tout chambardé la planète depuis ce temps-là. Albert Einstein avait sa vie, effectivement, c'est un être nouveau, un être suffisamment égoïque. Il n'a pas pu s'empêcher de publier ses maudites théories qui ont jeté la physique sur le derrière, et tout a été changé encore depuis ce temps-là. Galilée, c'est la même chose. On dit, il n'en a pas fait un drame. Non, il est même été en prison à cause de ce qu'il était. Alors, il y a une chose qui est évidente, c'est que tous les êtres nouveaux, et ceux-là y compris, Louis Pasteur et un paquet d'autres, n'ont pas pu faire autrement que de changer les conditions sociales, pour la simple raison que l'être humain intelligent ne peut pas vivre dans un monde où l'intelligence est presque tabou, sinon illégale. Alors, tous ces personnages ici ont totalement changé leur monde, ils l'ont fait à leur façon. Les individus qui ont connu Albert Einstein, il arrive la première fois aux États-Unis. Alors, il arrive, on l'attend, on sait que c'est un physicien, et puis c'est relativement intéressant. Alors, les Américains se garochent, les journalistes se garochent. Qu'est-ce qu'il fait? En arrivant aux États-Unis, il sort la langue quasiment jusqu'au nombril, il fait une grande grimace à tout le monde. Là, on prend une photo, Albert Einstein. Eh bien voilà, il traumatisait énormément, faites-vous-en pas, il a traumatisé des gens beaucoup plus que moi j'en ai traumatisé jusqu'à date. Et tout ce lot-là aussi a fait ça. D'ailleurs, c'est eux qui ont permis l'évolution qu'on connaît aujourd'hui. C'est les marginaux de toute façon qui permettent toujours l'évolution. Qui en apparence semble pas extraordinaire. Elle est extraordinaire, elle est extrêmement changée. Il y a plusieurs questions, Daniel, encore à répondre. Bon, vite voir si t'es capable. Y a-t-il une différence entre les mondes parallèles et la téléportation, exemple Philadelphia Experiment? Oui, effectivement, c'est la même chose. Vous trouvez qu'il ne devrait pas y avoir de discipline au sujet des enfants? Comment cela va absolument avoir pas. Beaucoup il doit de y violence? Avoir énormément de discipline, énormément d'autorité, mais on doit expliquer à l'enfant l'intelligence, la discipline, pas la l'imposer. Comment expliquer l'expression ou l'opposition continuelle, quasi-constante, provenant de l'invisible sur un individu qui, depuis qu'il y a eu un contact...